En commémoration de l'anniversaire de Kim Jong-il, les ouvriers et les syndiqués ont tenu le 14 un rassemblement au palais central des ouvriers à Pyongyang, alors que les agriculteurs et les membres de l'Union des travailleurs agricoles ont organisé un meeting et une représentation artistique à la maison de la culture de l'arrondissement de Kwaksan de la province du Pyongan du Nord. Y étaient présents aussi les cadres intéressés.